La Corée a fêté significativement la journée des mères. Le 16 courant, les mères de tout le pays ont déposé des corbeilles et bouquets de fleurs devant les statues en bronze et les portraits en sourire du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il, érigés sur la place du Palais du Soleil de Kumsusan, sanctuaire suprême du Tché, où se trouvent les corps embaumés des grands leaders, sur la colline Mansu à la capitale et dans leur localité, y rendu hommage. Elles ont visité aussi le buste et la statue en bronze de Madame Kim Jong-soo, héroïne anti-japonaise, érigée au cimetière des martyrs révolutionnaires du Mont Taesong, à l'arrondissement Kim Jong-soo et à la ville de Faelyong, pour remémorer sa vie révolutionnaire sacrée. À l'occasion de cette journée significative, les fils et filles au poste militaire et chantier de construction socialiste ont envoyé tous les cartes de félicitations à leur mère. Le magasin de fleuristes près la maternité de Pyongyang et autres magasins étaient archi-combles des clients venus acheter des fleurs et des souvenirs pour leur mère. Dans toutes les familles du pays, notamment des maisons d'habitation des enseignants de l'université Kim Il-sung, de l'avenue des scientifiques Mi-jae et de l'avenue des scientifiques Unra, sont débordés des rires de bonheur des mères entourées de félicitations de leurs enfants et disciples. Les spectacles comme l'opéra révolutionnaire « Je vois la victoire de la révolution » sont donnés au Grand Théâtre de Pyongyang dans la capitale et toutes les provinces, villes et arrondissements. Des restaurants ont servi spécialement les mères.